Les personnalités de divers pays exaltent vivement la vie révolutionnaire du général Kim Jong-il. Le premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'URSS, la présidente du Parti pour la paix et l'unité de Russie, le chef politique du cercle d'études du kim-jongisme du Pérou et le président du conseil central du Parti politique de la République populaire unifiée kirghizienne du Kirghizistan ont noté dans leur message de lettres envoyé à l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il qu'il est combattant inflexible et patriote ardent qui a défendu sans aucune vacillation l'honneur et la dignité du peuple coréen en dépit des menées de provocation et d'obstruction des États-Unis et de leurs suivistes et de toutes les difficultés. Ils ont ajouté que ces idées et lignes sont l'éternelle bannière qui éclaire la voie à suivre par le peuple coréen et le mouvement socialiste du monde.